Mi when I did that, no, that will be enough to say. Now, Ponya, that Musiki, that we do any more. Nanonia, Nanune, Namulenda Posobola, Nabulenda Puna War, Nabulenda Puku Mengona Mel. You sing as in Namukon, who mean Namolo. You watch, forget that what you do. Eba, who eba. Sing it, Tanga. Sing it, Tanga. Sing it, Tanga. Sing it, Tanga. Sing it, Bima ngombi lituba ya gomba mkwa na wapinzi Ngete tabi nyumba Olipidi ya long hongi ma Ndobo na komisi hongi ma Ki Soyez tous salués. Bonsoir à toute la famille sur le Bababab. Bon après-midi pour ceux qui sont avec moi en Amérique du Nord, du côté du Canada et des États-Unis. Good evening for those watching me from another side of the world. I'm thinking about somebody who's in Saudi Arabia. I don't know what time is it over. So be greeted and enjoy the show. Alors aujourd'hui, donc, une fois de plus, bonsoir pour tout le monde. Et j'ai observé quelques remarques. Le titre a été mal écrit, pardonnez-moi. Le français devient ma septième langue par excellence. Ma première langue reste le gallois. S'il y a un gallois ici ou une gallois, demandez qu'on puisse converser. Vous verrez que je parle encore le vrai ancien gallois. Et ma deuxième langue, c'est le guichir. Et ma troisième langue, naturellement, c'est le cota. Ma quatrième langue, c'est l'espagnol. Et ma cinquième langue, enfin, c'est le... le français et la sixième, c'est l'anglais. Donc, s'il faut inverser tout, je peux dire que... si ça a été mal écrit, j'apprécie beaucoup votre remarque, mais rassurez-vous qu'on pourra corriger. Je vais m'adresser à mes enfants là. Mais le titre, c'est « Avons-nous l'impression d'avancer à reculons ?» Est-ce que c'est un bon français? Vous qui êtes vraiment, qui maîtrisez encore la langue de français là, de Victor Hugo, est-ce que c'est un bon français? Hein? Avez-vous déjà eu cette impression d'avancer à reculons? Est-ce que c'est un bon français? Je pose la question pour ceux qui m'ont dit que le titre n'est pas bien écrit. Ben, pardonnez-moi, hein, mais moi, c'est ce que les génies m'ont inspiré. Ils m'ont dit qu'il faut que je vienne parler de ça. Ben, en fait, je blague. Oui, d'une part, ce sont eux, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois dans la tête, mais sauf qu'il y a certains parmi vous qui ont posé des questions dans ce sens. C'est-à-dire qu'ils ont comme l'impression, ce qu'on dit ici aux États-Unis, de déjà vu. Vous avez sûrement entendu cette expression « déjà vu » ici aux États-Unis, mais à chaque fois je les corrige, je leur dis que non, on ne dit pas « déjà vu », mais on dit « déjà vu ». Mais vous savez que les Américains, même moi-même parfois j'ai les problèmes, le « u » c'est le « ou », et ce qui fait que c'est compliqué pour eux. D'accord? D'accord. Ce n'est pas le titre qui compte, mais c'est le titre maître. OK. OK, je ne sais pas. OK, d'accord. Mais en tout cas, ça va être corrigé, hein? La raison pour laquelle je vous ai convoqué ce soir, je vous ai autour de moi, autour de Tatan Zambel, le Tout-Puissant Kana, le Temple du Savoir, c'est pour pouvoir discuter justement de ces sujets qui parfois bloquent nos vies et on ne sait pas là où on va. En d'autres termes, il y a des personnes qui sont toujours posées des questions. Ce sujet est un peu lié avec l'autre. Je dis bien, il y a peut-être un petit rapport. Souvenez-vous du sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, dont le titre était comment expliquer que ce que je reçois à droite, ça sort à gauche. Donc, tout ce que vous faites là, surtout nous qui sommes à la diaspora, vous avez comme l'impression que vous êtes maudits. L'argent, vous envoyez aux parents, mais rien, ça ne marche pas. Même vos propres parents, bon, bref, on avait découvert le mystère. Mais aujourd'hui, on va percer un peu le mystère de ce phénomène de, en bon français, on appelle ça, pourquoi votre vie stagne? Pourquoi votre vie stagne? Parce que les gens m'ont dit ça, qu'ils ont comme l'impression que leur vie va à reculons. Vous avancez, mais à reculons. Mais quand on avance à reculons, ça veut dire quoi? Ça fait ça. C'est un cycle. Ça fait un cercle vicieux. Donc, en d'autres termes, vous stagnez. Il y a un moment, vous voulez vous élever. À un moment donné, vous baissez le bras. Et pendant ce temps que vous baissez le bras, celui qui s'est élevé au même moment que vous est en train d'avancer. Donc, c'est ça le sens de la question. Et je sais que beaucoup d'entre vous vous retrouvez dans cette situation. J'ai eu à écouter J'ai écouté beaucoup d'entre vous. J'ai reçu des audios de nos mamans, de nos petits, nos enfants même, qui ont eu comme l'impression que, franchement, ils ont tout fait dans leur vie, faire du bien aux gens, mais à chaque fois, ils sont toujours remerciés par le mal. À chaque fois, c'est toujours le mal. Tout acte qu'ils veulent poser des biens, ça tourne très mal. Mais c'est quoi ça? Donc, moi, la question, donc, pour être plus précis aujourd'hui, je vais parler moins. Rassurez-vous, j'ai mis mon chrono là, j'ai encore 10 minutes. Je vais parler seulement pour 20 minutes, voire 21 minutes, pour vous permettre de poser beaucoup plus de questions sur les 4 sous-thèmes de cette thématique. Donc, la thématique d'aujourd'hui est sur est-ce que vous avez eu cette impression souvent de pouvoir avancer, mais à reculons? Et pourquoi cela arrive? D'accord? Ben, nous allons donc traiter des 4 sous-thèmes de cette thématique rapidement. Le premier, c'est ce que j'ai appelé le manque de déterminisme ou le manque de détermination dans votre vie. Le manque de détermination dans votre vie peut vous amener à vivre cette impression d'avancer à reculons. À un moment, vous avez cette détermination. Vous êtes décidé qu'aujourd'hui-là, à tes mains, hey, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis, voilà, ça n'avance plus. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose. Voyez-vous? Parfois, c'est notre bouche. Le fait qu'on ne ferme pas notre bouche, on commence à confier nos plans, nos secrets aux gens. Oui, moi, j'ai rencontré ce mec-là, vraiment, oh, maman, surtout nos mamans. Le gars-là, il est beau, il a beaucoup d'argent, il est riche, oh là là, je serai au paradis. Et vous avez cet engouement-là, vous avez cette chaleur qui est déjà en vous. Mais à un moment donné, vous avez comme l'impression que non, ça se perd en vous. Et puis voilà. Comment expliquer cela? Je suis là pour répondre à ce genre de questions. Et deuxième sous-thème, c'est le refus de rejeter le passé. Le fait que vous refusiez de rejeter le passé peut faire en sorte que vous soyez dans cette position-là d'avancer à reculons. Troisième, le fait de trop murmurer de votre passé à vous, du passé de vos parents, du passé de votre mère, du passé de votre femme, du passé de votre mari. Le fait que vous murmuriez trop ça, ça peut contribuer également à cet état d'avancer à reculons. Et quatrièmement, le rôle du monde éthérique. Est-ce que le monde éthérique ou dans le monde tridimensionnel, y a-t-il une relation par rapport à cet état ou cette impression d'avancer à reculons? OK? Si oui, eh bien, première question, est-ce que nos parents, ce sont eux qui sont derrière ce blocage? C'est-à-dire, est-ce que ce sont nos parents qui nous fétichent réellement? C'est pour cela qu'on avance à reculons. Est-ce que ce sont nos parents? Et B, est-ce que la somme de tout ce que nous avons pensé, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons gardé, est-ce que c'est ça, cette somme-là, qui est le résultat de cette impression d'avancer à reculons? Bien. À toutes ces questions-là, ça, c'est sous le sous-thème « Avons-nous l'impression dans notre vie qu'on avance à reculons ?» Bien, je vais maintenant développer brièvement le premier sous-thème, le manque de détermination. Eh bien, parfois, il arrive que vous avez un plan. Vous dites, je vais quitter le Gabon. Vous êtes tellement surexcité. J'ai dit, je m'en vais à l'étranger. Moi, je m'en souviens pour mon cas, dans les années 80, combien 86, 87, j'écrivais même des plans. Quand j'étais inspecteur de pétrole, sur le pétrole, j'écrivais des plans. Quand je serai en Amérique, je ferai ceci, je ferai cela. Plein, le carnet était là. Je vais devenir riche. Et je lis les articles qui me disent, oh, il y a là-bas un opérateur de production, un inspecteur de pétrole. J'avais même les noms, hein. J'étais bien renseigné à Galveston, Texas, Houston. Ce port-là, vraiment, on paye les inspecteurs de pétrole à $35 l'heure. On paye un producteur de pétrole à $60. On faisait des calculs fous. Eh bien, cette motivation est restée à moi. J'ai écrit dans les carnets. Je me rappelle que ce carnet est encore avec moi ici. Oui, oui, il est là quelque part dans mes archives. Et puis finalement, en 1995, autant pour moi, j'obtiens mon premier visa. Mon visa de venir aux États-Unis. Je le garde pour un temps, et c'est en 99 que j'arrive ici, aux États-Unis, je fais un voyage de prospection. Et je suis toujours excité, hein? Je regarde mon carnet, je me dis, tiens, ça va bien marcher. Et puis je retourne, je suis employé à la Shell, je gagne bien ma vie, je suis arabe, je suis un élu du peuple, je gagnais deux salaires, le salaire des conseils municipaux et l'un des adjoints au maire de la mairie de la commune de Gamba, pour ceux qui ont des amis là-bas, renseignez-vous. Et en même temps, je suis technicien supérieur à la Shell, contremaître des charges ma pétrolier, producteur là-bas. Ben, écoutez, Arabi, c'est les sous. Après, je dis non, il faut que je matérialise mon rêve. Alors, j'avais cette détermination de venir ici, aux États-Unis. Voyez-vous, elle date de depuis les années 80. Et puis finalement, eh ben, je décide en 2002, okay, à la fin de mon mandat à la mairie, puisque mon mandat à la mairie de Gamba, nous étions les premiers à avoir ouvert, si vous voulez, avoir initié par la politique la décentralisation, la commune de Gamba. La ville de Gamba était devenue commune, c'était en 1996. Nous étions les premiers. Et il y avait le maire Sisso Maurice, le maire Gissiga, votre humble serviteur, et bien d'autres, le maire Panzou et tout cela. Donc, les conseillers et tout, peuvent vous rapporter. Monsieur Gissiga, qui est d'ailleurs l'actuel sénateur de Gamba. Bref, voilà donc que je dépose ma démission à la Shell. Shell me dit, c'est une bonne chose, donc nous allons te faire un départ négocié à partir de certains calculs. Ils ont fait leurs calculs. Bon, ils m'ont donné suffisamment de sous. Je ne peux plus vous dire, mais je n'étais pas malheureux parce qu'avec ces sous-là, je me suis tapé une belle petite maison au niveau de la petite rue de la mosquée. Hein, une maison de 4 chambres, il y a tout avec barrière. J'ai investi près de 58 millions sur cette maison-là. Et le reste, j'ai fait d'autres choses. Et c'est ainsi que je décide de quitter le sol gabonais pour arriver aux États-Unis. Mais tout ceci arriva parce que j'avais la détermination. Voyez-vous, si j'aurais baissé les bras sur cet esprit de détermination, je ne crois pas que je n'avais à en arriver là. Mais est-ce que ça a été facile quand j'arrivais ici? Non, parce que quand j'arrive, j'avais déjà, en 99, j'avais déjà une idée, non? Que la vie, c'était facile, hein? Ainsi de suite. Mais depuis 2001, quand j'observe l'évolution à cause de la guerre de l'Irak, Monsieur Bush, qui était le président, oh là là, Bush, hein, ou bien qui? Ou Bill Clinton. Donc, à cette époque-là, je vous dis, je commençais à m'inquiéter étant au Gabon. Mais j'arrive quand même. J'arrive à New York. Première des choses, je prends mon passeport. Je commence à travailler dans les agences. Et ça, rassurez-vous, jusqu'à présent, ça existe. Quand vous n'avez pas la carte verte, vous laissez votre passeport. Il y a des Russes qui sont là, des Chinois. Partout, là, il y a des agences. On appelle ça des employment agencies. Donc, où on demande seulement votre passeport. Bref, j'ai pu travailler. J'avais mille et un boulot. Les parents là-bas étaient contents au pays. Ben voilà, mais ainsi de suite. Bref, parce qu'il y avait la détermination. Mais cette détermination a eu des hauts et des bas. Parce que quelques temps après, je me suis confronté à un problème. Je me suis dit, mais tiens, comment je vais faire pour avoir les papiers? Mais tiens, comment je vais faire? Parce que moi, j'avais un plan. Je me disais, non, je vais aller à l'université. Ça va aller vite, vite. Ça va être bien fait. Mais voilà, maintenant, Calboigné, obligé maintenant de repartir vers l'église. Et c'est de l'église. Parce qu'on m'a dit que les églises sont des grands sponsors. Donc, ça partit de l'église. Bref, je ne vais pas vous raconter ça, mais pour juste résumer que le premier point, c'est quoi? C'est le manque de détermination dans votre vie. Si vous n'êtes pas déterminé à achever ou à atteindre vos objectifs, vous aurez l'impression que pour vous, vous avancez à reculons. Hein? Et de deux, le fait de refuser de rejeter le passé, ça c'est très important. Le fait de refuser de rejeter le passé veut dire quoi? Vous avez tendance à trop vous dire non, si aujourd'hui je n'évolue pas, mais parce que il y a 10 ans, j'étais ceci ou j'étais cela. Vous référez au passé négatif, j'appelle ça. Parce qu'il y a le passé positif. Hein? Il y a le passé positif. Les écrits sacrés nous disent que non. Les gens, là, qu'on cite les noms comme les Moïse, les Abraham, les Mohamed ou les grands, comment ils s'appellent, les grands philosophes grecs ou les grands philosophes chinois, on nous donne, par exemple, quand vous lisez le Tao, il y a des forces, plein d'exemples qui vous montrent que ces mecs-là peuvent vous motiver, voyez-vous. Mais le fait que vous, dans votre tête, vous plongez dans ce passé négatif, c'est dans ce sens-là que je dis, c'est le refus. Donc, le fait de refuser, de rejeter ce passé négatif-là, va vous bloquer dans cet état des choses. Ça, c'est l'une des raisons. Donc, retenez bien que la première raison, c'est le manque de détermination. Parce que la détermination, c'est cette force intérieure que vous devez avoir que, coûte que coûte, je vais faire ceci, coûte que coûte. Et vous devez me parler cela en vous-même. Ce qui nous amène au troisième point, c'est le fait de trop murmurer de votre passé. Ça, ça peut vous bloquer. Si vous murmurez trop sur votre passé à vous, parce que non, moi, quand j'étais au Gabon, vraiment, ça n'a pas marché, ou bien j'étais ceci. Mais vous êtes maintenant en France, vous êtes maintenant aux États-Unis, pourquoi continuer à murmurer de ce passé négatif du Gabon ou de je ne sais quoi? Et pour ceux qui sont dans des relations, vous verrez que votre foyer ou votre mariage ne peut pas évoluer si à chaque fois vous allez toujours rappeler les mauvais souvenirs de votre partenaire ou de votre mari ou de votre femme. Ça, c'est clair et net. Vous aurez comme l'impression que vous allez patauger. Vous n'êtes pas trop par retard, il n'est que 21 minutes. Vous allez toujours patauger là. Vous allez toujours avoir l'impression que non, vous avancez à reculons. Pourquoi? Parce que vous, à chaque fois que vous avez un petit différent avec votre époux ou votre épouse, vous êtes toujours, oui, mais toi. Donc, vous allez toujours ramener ces souvenirs amers. Même pour ceux qui vont dans les églises, là, dans les religions. Et pourtant, vous dites que non, le passé, c'est le passé. Une fois, vous avez déjà dit à l'autre que je vous donne mon pardon. Je vous demande de me pardonner. Bon, maintenant, bon, il y a quelqu'un qui réclame le volume. Hein. Quel volume que vous réclamez là encore? Oh, d'accord, pardonnez-moi. Oh là là. Est-ce que tout le monde, depuis le début, m'a bien suivi? Oh, il y a quelqu'un qui réclamait le volume là. Pardonnez-moi. Donc, disais-je, le fait que vous... Voilà, c'est ça. Le fait de toujours ramener ce passé dans votre relation actuelle, c'est là où j'étais, ne va point vous faire avancer. Vous aurez comme l'impression que vous avancez à reculons. Donc, retenez bien que c'est ça l'expression d'aujourd'hui où je vous permettrai de poser des questions. Donc, le fait de trop murmurer là, vous êtes maintenant avec ce monsieur. Parce que ce monsieur, quand vous l'avez connu, il avait mille et une copines, ça remonte il y a peut-être 20 ans. Mais écoutez, le monsieur a pris de l'âge. Il a confessé, il a dit « pardonne-moi maman ». Ou bien la femme a dit « ah, mon mari ». Si j'étais une prostituée, ça, c'est ma vie du passé. Ce n'est pas nécessaire d'en parler maintenant. Et surtout, il y a des gens qui sont très émotionnels, qui sont très sensibles. Le fait que vous rameniez ce passé-là, le fait de murmurer ce passé-là, d'abord à l'intérieur de vous-même, ça, vous vous détruisez vous-même et vous verrez que votre vie n'avancera pas. Parce que vous ramenez le passé dans votre vie. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Maintenant, vous êtes dans une relation avec votre mari ou votre femme. Vous continuez toujours à rappeler le passé de votre mari parce qu'il était bordel, parce qu'il avait fait ceci, ou bien votre femme, elle était cela. Je vous dis, j'ai des preuves, je ne peux pas parler des choses que je n'ai pas expérimentées. Et ça a été le résultat de beaucoup d'entre nous, malheureusement. Okay? Beaucoup d'entre nous avions été dans de grandes, de longues relations, mais le fait que cette femme-là, hein, ou bien ces hommes-là, et toujours murmurer ce genre de ce passé, ça ne vous amène nulle part. Le monde astral, le rôle du monde astral ou le monde des correspondances, ce que j'appelle le monde de réflexion, le monde du reflet. Bien, le monde du reflet ou encore le plan, quel est son rôle? À chaque fois que vous posez un acte, à chaque fois que vous pensez à quelque chose, rassurez-vous. Rien, dans le plan matériel peut-être, on ne voit rien, puisque c'est dans votre tête. Mais le fait que vous pensiez, le fait que vous ayez fait quelque chose et que vous l'ayez gardé en vous, il y a ce qu'on appelle les archives akashiques. Je ne vais pas vous amener dans un langage mystique compliqué là-bas. Archives akashiques, tout simplement que dans le monde de correspondance, c'est-à-dire dans le monde de reflet, parce que rassurez-vous que à tout état de conscience égale à tout état de vie. C'est-à-dire que tout ce que vous murmurez là, tout ce que vous gardez là, ou bien tout ce que vous faites, les Indiens appellent ça la loi du karma. C'est enregistré, mais c'est enregistré au niveau du plan qu'on appelle le monde éthérique. Donc dans le monde des correspondances, dans le monde des reflets, nos frères de la Rose Croix d'Or appellent ça le monde réflectif, le monde de reflets. Pourquoi? Parce que ce reflet, c'est en fait vous-même. Aujourd'hui, vous avancez à reculons. Pourquoi? Mais parce que justement, votre reflet revient à vous. Si vous étiez là toujours en train de dire que non, moi tel, Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi il n'y a que tel qui évolue? Vous éjectez des négativités. Non, ce gars-là, il est venu hier là. Mais vous, vous ne savez pas quelles sont les pistes que la personne a utilisées. Peut-être qu'il a des relations avec les gens du pouvoir et que les gens du pouvoir ont dû lui donner quelques soudoyer quelques sous. Voyez-vous? Maintenant, vous, vous allez vous plaindre. Mais entre-temps, toutes vos actions, toutes vos pensées et tous vos faits sont enregistrés dans les tiroirs de des archives secrètes que, en parapsychologie, on appelle ça, votre subconscient a des tiroirs. Mais tous ces tiroirs-là, normalement, l'effort que vous devez faire, c'est de pouvoir garder des bons souvenirs, pouvoir vous autoprogrammer à mettre des bons souvenirs par l'esprit de la détermination. Quand vous déterminez, vous vous programmez à devenir quelqu'un, hein, en faisant des techniques d'affirmation. Vous affirmez être quelqu'un de nouveau. Et Monsieur Ernest Worms, je vous recommande de commander son livre. Parce qu'il est même, je crois avoir une copie de ça. C'est en anglais et en français. Voilà. Je vous recommanderais de commander ce livre, hein, s'il vous plaît. Voilà. C'est intitulé « La pratique des sciences du mental pour créer l'harmonie cosmique universelle avec vous-même ». Le monsieur, la scène américain, c'est lui qui a créé la première religion scientifique. Donc, dedans, il vous explique en fait que vous-même, vous êtes capable de construire votre univers à vous et de vous connecter avec l'esprit qu'on appelle Dieu. Et vous verrez que les choses vont évoluer. Donc, voilà le livre que je vous recommande. Vous pouvez le commander sur Amazon. Voilà brièvement donc la question sur « Avons-nous l'impression ?» d'avancer à reculons. Voilà, c'était ça la thématique. Et c'est fini, j'en ai terminé. Sur ce, avez-vous des questions à poser sur le manque de déterminisme, le refus de rejeter le passé, le fait de trop murmurer de votre passé, le passé de votre épouse et tout, et le rôle du monde ou du plan éthérique, c'est-à-dire dans les archives akashiques là-bas, là où se trouvent tous nos souvenirs, et surtout faites l'effort pour que ces souvenirs-là soient bons. Est-ce que ce sont les parents qui sont responsables de vos... De votre blocage ou de votre stagnation, parce qu'en fait c'est ça, hein? Avons-nous l'impression que nous stagnons, en fait, si on ne dit pas que avons-nous l'impression de ne pas comment dirais-je, de ne pas avancer, ou bien l'impression d'avancer à reculons, en d'autres termes on pourrait dire est-ce que j'ai l'impression que je suis en train de stagner, que je n'évolue nulle part, et là je vous ai donné les raisons, le pourquoi, d'accord, le pourquoi c'est quoi? Je vous ai dit, l'une des raisons, c'est le manque de détermination. Et l'autre, l'une des raisons, c'est le fait que vous soyez toujours accroché dans votre passé. C'est le fait que vous soyez toujours en train de murmurer de votre passé dans votre vie actuelle. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas construire votre futur à travers un passé négatif, mais vous pouvez construire votre futur à travers un passé positif. Voilà pourquoi, par exemple, pour ceux qui sont religieux, j'ai promis que je puisse citer les histoires de Bible ici, mais vous partez de la Bible au Coran, partout. On vous donnera tous des exemples des hommes de foi. Et ces exemples sont cités dans certains grands livres des saints. On vous dira tout que voilà. Et quand vous citez les exemples de ces hommes de foi-là, on ne va pas vous parler des exemples négatifs. Voyez-vous? Donc, les grands philosophes romains qui ont écrit même la Bible-là, ils ont bien réfléchi. Ils ont pris des exemples toujours positifs. Quand on vous prend l'exemple d'Abraham, on ne va pas dire, on va prendre l'exemple d'Abraham, on ne vous parlera pas de comment Abraham adorait les faux dieux, comment il avait ses bouillies. Non, vous ne verrez pas ça. Alors qu'il le faisait de par son grand frère. Comprenez, de par son père, autant pour moi. Et même son grand-père, le papa de Tara, le père d'Abraham. C'est des mecs qui fabriquaient des bouillies, qui fabriquaient des dieux et tout. Mais quand vous lisez le livre d'Hébreux, bon, j'ai promis, je ne peux pas citer les versets, mais ceux qui sont chrétiens se réfèrent, ils savent de quel livre je parle. On vous donne ce livre de souvenirs-là, c'est pour vous motiver. Donc, vous donner, pour vous faire comprendre qu'il faut éviter de murmurer dans votre passé. Et puis, le rôle du monde éthérique, justement, il a un rôle important parce qu'il est là pour garder tous ces souvenirs-là. Et si vous voulez avancer, ben, vous pouvez avancer très bien si vous chargez dans le monde, dans les plans éthériques, tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est constructif pour vous. Voilà, voilà brièvement. Comme promu, à moins de 30 minutes, j'en ai terminé. C'est à votre tour de poser des questions maintenant. Je suis à votre disposition. Battery 44%. BlackBerry BB1005 connected.

Selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, selele, Bien, nous avons déjà près de 11 questions. Bien, pardonnez-moi, je vous ai accordé 10 minutes, c'est suffisamment long, ok? Je ferai désormais l'effort de ne pas être trop long. Je vous dirai pourquoi, en fait, beaucoup de nos frères qui vivent dans les coins les plus reculés de nos villages africains, je pense au Congo, au Gabon, au Cameroun, et qui n'ont pas suffisamment d'unité. Ils sont pleins que vraiment mettre les lives, quand ça dépasse une heure là, c'est trop long pour nous. Vraiment, ça coûte beaucoup d'argent. Et vous avez constaté, mon objectif, c'était d'éviter de faire 2 heures. Maintenant, là, mon objectif, c'est de faire tout faire pour qu'on n'arrive plus à 1h30. Et après, mon objectif sera de s'arrêter uniquement à 1 heure. Et j'ai un objectif que dans les 3 mois qui suivent, tous mes lives vont seulement faire 35 ou 40 minutes maximum, inclus les questions. Bien sûr, je vais être très strict sur les questions parce que là, j'ai enregistré 12 questions. Et je vous informe que là, vous pouvez arrêter. Notre ami Maxime, que j'ai eu l'opportunité avec qui de discuter en privé, je sais qu'il est vraiment, vraiment très intéressé par ceci, mais Maxime, c'est pas que je refuse de répondre à votre question là, elle est tellement longue que ça risque de demander une heure de développement. Ça risque de faire l'objet d'un enseignement. Donc, ne vous découragez pas. Veuillez me la rappeler dans mon contact privé que vous avez, puisqu'on en a discuté, on a discuté, vous et moi, hier. Donc, la question de Maxime, numéro 6, pour, je ne veux pas la répondre là maintenant, elle va faire l'objet d'un enseignement. OK, Maxime? Merci beaucoup, il m'a compris. Bon, première question. Peut-on faire la politique sans être franc-maçon? Je réponds directement oui. Je n'ai pas de commentaire. Oui. Vous voulez que je vous donne des exemples? Le président du Burundi, c'est un pasteur. C'est un homme de Dieu. Il prie. Et son pays est très stable. Il n'y a pas de problème. Deuxième exemple. En fait, eux, ils ont un roi là-bas. Le pays s'appelle Swaziland. Swaziland. C'est en Afrique, vers l'Afrique du Sud là-bas. Il est, lui aussi, il n'est pas maçon. Quel autre président? Bon, je ne vais pas rentrer dans la vie privée de ces présidents, mais je peux vous dire que près d'une cinquantaine de présidents africains que je connaisse, près de la moitié ne sont pas des maçons. Ce n'est pas tous qui sont maçons, s'il vous plaît. OK? Ça, il faut le retenir. Aux États-Unis, nous avons eu quelques-uns qui n'étaient pas des maçons également. OK? Voilà. Ouais, oui, une bonne idée pour vous, là, pour éviter de trop parler. Comme ça, ça vous permet, tout le monde, vous pouvez partager ces enseignements-là auprès de vous. Bien, je répondais à la première question. Donc, la réponse est non. Vous n'êtes pas obligé d'être maçon pour faire de la politique. D'accord? Deuxième question. Comment effacer son passé et refaire une nouvelle vie? Je crois avoir répondu à la question, mais effacer, ce serait trop dire. Nul ne peut effacer totalement son passé parce que on appelle ça, les religieux appellent ça à cause du péché. Nous, en tant qu'initiés, on appelle ça à cause du vieil homme. Vous savez que l'homme a des composantes de différents corps. OK? Il y a le corps des souvenirs, il y a le corps divin. Bon, maintenant, ce corps divin, parce qu'il loge dans un corps imparfait, qui est le corps le plus grossier, le corps matériel que celui-ci. Donc, ce corps matériel peut, à certaines circonstances, sans le vouloir, on appelle ça péché involontaire. Il y a des péchés volontaires. Tu sais que mentir, ce n'est pas bon, ou voler, ce n'est pas bon. Ça, c'est volontaire. Si ta conscience est déjà influencée avec ça, logiquement, tu ne peux plus aller solliciter la femme de l'autre, OK? Ou le mari de l'autre. Mais par contre, il y a des péchés involontaires. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas effacer totalement son passé. Maintenant, je vais m'expliquer. Les péchés involontaires, ça veut dire quoi? Votre divinité, votre corps spirituel, celui-là qui s'exprime devant vous, habite dans ce corps matériel que vous voyez. OK? Maintenant, ce corps matériel, malheureusement, à cause de la loi d'attraction et de repulsion qui sont influencés par les cinq sens, et pour nous autres qui sommes initiés, on en a six. Donc, les six sens en question, bon, parlons de manière, parlons de l'être normal. Un être normal en a cinq sens. Donc, maintenant, à travers ces cinq sens-là, il peut arriver par inadvertance ou par erreur humaine que vous puissiez retomber dans votre passé. Ça peut être quelque chose qui va vous choquer et immédiatement, on appelle ça des PTSD, des post-traumatic stress, en somme. C'est-à-dire qu'un petit traumatisme, un flashback peut revenir immédiatement. Donc, on appelle ça un souvenir qui est enfoui dans les archives akashiques ou encore enfoui dans votre subconscient, peut automatiquement se déclencher. Mais sinon, oui, il est possible d'alléger. Je n'utiliserai pas le mot effacer, mais alléger. Vous pouvez alléger votre passé. Vous pouvez au moins jusqu'à 90% de vous en débarrasser de ce passé. Et le comment? Pour faire une nouvelle vie, le comment? Je crois que j'ai répondu à la question. Il s'agit de faire une nouvelle vie qui va être basée sur le développement de soi. Vous vous développez personnellement, c'est-à-dire l'étude de votre personnalité. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous, j'ai repris officiellement ce genre de consultation. Ça s'appelle les consultations de l'étude complète de votre personnalité. En fait, c'est une forme de consultation en fait, qui dit qui vous êtes, dans tous vos défauts, vos qualités, vos objectifs et tout ce qui peut arriver de bon ou de malheur. Et s'il y a malheur, il y a certains qui ont demandé que je change le nom. Et pour changer votre nom, je recharge d'autres frais. Bon, les gens sont au courant, mais juste pour vous informer. Donc, ça rentre dans le comment. Effacer ce passé parce que votre nom, vous pouvez changer le passé, mais si votre nom est lié avec votre grand-père, monsieur Mukamba Namengo, Mukamba Namengo, c'était un mec, un guerrier très puissant qui faisait pisser même les blancs. OK? Et quand il faisait pisser les blancs là, il était tellement puissant que, pardonnez, il y a eu une petite perturbation. Mukamba Namengo, lui, avait une vie très méchante. Il était bizarre. Mais par contre, vous portez son nom. Vous pouvez effacer votre passé. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas effacer votre passé akashique, ancestral, éthérique, pour la simple raison que vous portez le nom de quelqu'un qui vous porte malheur. Et j'explique cela dans un enseignement, l'importance du nom que vous portez. Donc, à cette question, je peux dire également que oui, vous pouvez. En faisant quoi? Ben, vous modifiez votre nom. Si le nom que vous portez, Makambona Dibaka, Makambona Dibaka, c'est le nom qui vous porte malheur. Mais pourtant, vous faites tout. Vous partez à l'église au nom de Jésus. On vous délivre. Vous partez ça et là, rien. Votre vie est toujours bloquée. Mais vous avez comme l'impression qu'il y a un passé qui vous poursuit. Mais même des gens qui ont connu Makambona Mubaka se rendent compte que, mais tiens, mais monsieur, mais quand même, même Makambona Mubaka, là, le nom que vous portez, mais votre grand-père, voilà, c'est exactement ce que vous êtes. Votre grand-père ne pouvait pas s'en débarrasser des femmes. Pour revenir à la question qui a parlé de quelqu'un qui est addicté à l'alcool ou au sexe, c'est ça l'addiction. À un moment donné, on tente de traiter votre addiction, mais vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à m'en débarrasser de cette addiction? Mais parce que Makambona Mubaka, votre grand-père, ce nom-là vous apporte malheur. Et ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de la superstition. Même les Blancs sont tombés d'accord que le nom que vous portez peut vous porter malheur ou bonheur, ou encore vous charger des énergies positives, vous apporter ainsi de suite. Voilà pourquoi les Blancs même, qui ont inventé une science qu'on appelle comment composer votre nom. Même les mariages, si vous voulez que votre mariage soit compatible, ça aussi, ça fait partie de comment effacer le passé. Parce que vous, si vous vous mariez à quelqu'un qui est d'un signe, par exemple, ceci ou cela, et votre vie va être toujours dans le désordre. Ça ne pourra jamais marcher parce que vous ne connaissez pas ces principes-là. Donc, comment effacer, j'ai dit, il faut l'étude personnelle, il faut également revoir votre vie de manière générale, votre nom que vous portez, il faut consulter des spécialistes des sciences occultes ou en d'autres termes, des initiés. Et voilà, on essaie d'examiner cela. Et vous pouvez refaire une autre vie, hein. Maintenant, pour ceux qui sont religieux, on appelle ça la destruction du vieil homme. Comment faire? Ben, vous détruisez votre vieil homme. Ce vieil homme est le reflet, simplement, de tous les défauts que vous aviez. Vous les éliminez un à un. Et il y a une vidéo là qui date il y a bientôt 2 ans ou 3 ans où j'explique comment, justement, s'en débarrasser de toutes les scories, c'est-à-dire que s'en débarrasser de tous les défauts, de tous ces miasmes du bas astral qui vous rendaient esclaves et tout, et tout, et tout. Il y a un processus, on appelle ça la technique de la désindividualisation et la technique de la dépersonnalisation. Et puis voilà, d'accord? Troisième, comment attirer la chance vers soi? Ben, ça revient à la même chose. Pour attirer la chance vers soi, c'est simplement, bon, moi, le mot chance n'existe pas pour moi dans mon langage, mais je comprends de quoi vous parlez, c'est-à-dire comment faire en sorte que vous redeveniez un être attractif. En un mot, comment créer l'attraction, si vous voulez que je m'exprime ainsi dans le langage de métaphysique. Donc, comment recréer l'attraction? Ben, c'est de faire en sorte que votre corps redevienne un réceptacle des forces cosmiques universelles, un réceptacle, autant pour moi, ou un moyen de communion avec le monde de l'au-delà. Donc, il faut vous initier, il faut étudier votre personne, il faut faire l'étude de la personnalité, il faut faire ce grand travail spirituel, le cheminement interne. Si vous êtes religieux, vous devez suivre les principes. Mais pour ceux qui sont chrétiens, il faut vous initier dans la mystique chrétienne. Et comme je l'ai toujours dit, malheureusement, beaucoup de religieux ne savent pas ce que c'est, en dehors des églises catholiques, orthodoxes et protestantes. Mais pour ceux qui veulent bien me déranger pour ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez me déranger. Je vous chargerai des frais, hein, rassurez-vous. Donc, ça, c'est comment attirer la chance vers vous. Effectivement, une fois que vous avez donc créé toutes les conditions requise pour tous les différents corps. Le corps mental doit être le corps principal, le plus puissant, le plus important dans votre travail de l'attraction de la chance, parce que tout se passe au niveau du mental. Et justement, pour répondre à la question numéro... Quel est le titre du livre? Quelqu'un a posé cette question. Numéro 5, je réponds tout de suite à votre question. Voici le livre. Le livre est intitulé « La pratique de la science du mental ». Et laquelle science du mental, c'est tout simplement des techniques que l'auteur a essayé de mettre à votre disposition afin de vous permettre, quel que soit votre niveau de compréhension, de vous permettre de comprendre les enseignements métaphysiques des grands maîtres, notamment les Mahomet de Jésus et tout, et tout, et tout, et tout. En un mot, cette science du mental est tout simplement un grand travail là-dedans, dans votre tête, on va vous faire découvrir tous les secrets de la vie et vous verrez que vous serez capable de guérir les paralytiques, c'est la vérité. Vous serez capable de guérir les fous, c'est ce livre-là que je faisais des miracles à Port-Gentil. Les gens appellent ça les miracles. J'appliquais tout simplement le chapitre numéro 2. Voilà le chapitre numéro 2 qui est ici, ça s'appelle « Le rôle de la foi ». Voilà, il est là, chapitre numéro 2, « Rôle de la foi ». J'ai appliqué ça simplement. Je vous dis, les fous qui étaient enchaînés, les gens m'ont plus de fous. Les témoignages sont là, à Port-Gentil. Je suis allé déchaîner. Enlevez-moi les chaînes. Le fou vient vers moi, je le regarde, je me concentre à l'organe, comme le dit le chapitre 2, intitulé « Les lois de la foi ». Donc, c'est un livre qui peut vraiment, il ne coûte pas cher, hein, vraiment, mais c'est un livre qui crée des miracles. Vous pouvez devenir un véritable nganga sans manger le bois sacré. Là, j'en fais la publicité. Donc, le titre du livre, c'est « Comment, pardon, la pratique des sciences du mental ». Donc, sur la deuxième, troisième question, comment attirer la chance? Donc, c'est justement, vous transformez votre corps et le corps principal, c'est ça, le pouvoir. On appelle ça « the mental power ». Donc, « the mental power », le pouvoir de votre mental. Donc, une fois que vous connaissez le corps mental et à l'intérieur du corps mental, il y a d'autres corps subtils que vous devez également développer. Par exemple, le corps psychique. Le corps, ce corps psychique, c'est quoi? Les phénomènes de télépathie et de télépsychie, les phénomènes de télaudience et tous ces phénomènes-là, vous verrez que ça va se déclencher naturellement. Ensuite, comme l'auteur vient de le dire, la loi de la foi, il y a également la loi d'attirance, il y a la loi de confrontation des réalités, il y a la loi de renversement des réalités. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui se présente comme vous, avec un œil qui est percé, c'est la même loi que Yahshua, que les chrétiens adorent, là, Jésus avait appliquée. Et surtout, il appliquait ces lois-là. Et ces vieilles lois-là, ça date de plus de 30 000 ans. On trouve ça depuis l'Égypte, les lois des sciences du mental. Donc, quelqu'un qui se présente, c'est ce qu'on appelle renversement de la situation. Quelqu'un qui est infirme, vous verrez que si vous appliquez ça, l'infirmité va partir. Alors, vous pensez que j'ai des livres, mais essayez, commandez seulement le livre. Et appliquez très bien la loi de la foi. OK? Mais il vous faut une initiée également, parce que j'ai des amis que j'ai envoyé le livre, et dit « Oh, monsieur Onoubia, vous devez avoir peut-être un pentacle ou bien une bague. » J'ai dit « Non, non, non. Le seul bague que j'ai, ça, c'est d'autres choses. Ça n'a rien à voir. Mais je vous dis, appliquez seulement. » 4. Mais si les blocages sont causés par nos parents, comment s'en défaire? Vous avez deux options. Il faut d'abord être convaincu. Il faut d'abord des voies et moyens qui vous permettent de déterminer que ces blocages-là sont causés par vos parents. Si vous en avez des preuves tangibles, il ne s'agit pas de se contenter d'aller voir M. Dibaka qui habite le PK9 à Libreville, ou bien d'aller voir M. Nkombo qui habite le 4e PAKA à Pointe-Noire, là où se trouve mon terrain là-bas, l'aéroport de Pointe-Noire, de la République du Congo. Non, non, non, non, non, non, non. Il faut, en dehors de rencontrer M. Nkombo de PAKA, de PANKA, de Pointe-Noire et de, comment il s'appelle, Dibata au PK9, il faut au moins rencontrer 3 ou 4 personnes qui doivent vous confirmer les mêmes faits. Si possible, vous pouvez me contacter. Hein, et puis, moi, je ferai ma petite consultation. Maintenant, une fois que vous avez confronté ces consultations métaphysiques ou ces consultations spirituelles, mystico, machin, vous êtes convaincu, ben, en ce moment, vous savez que, ah, donc ce sont mes parents. Ce sont eux qui sont à l'origine de mes blocages. Ça n'a rien à voir avec la liste que M. Moiré a dit, m'accrocher à mon passé et de faire ceci et cela. OK. Maintenant, la question que vous m'avez posée, comment alors s'en défaire? Bon, pour s'en défaire, il y a des techniques de renvoi, retour à l'envoyeur. Je vous ai parlé de la technique de la poupée que certaines personnes ont utilisée. Malheureusement, nos mamans ont trop utilisé ça pour aller tuer les petits papas de leur mari. Non, s'il vous plaît, les mamans. Hein? N'allez pas utiliser ça pour tuer les parties privées de vos maris, vous aussi. La moindre chose, non, c'est fini, je vais prendre ma poupée. Et puis du coup, bon. C'est une bonne nouvelle aussi pour nos mamans parce que maintenant, nos papas là se sont maintenant calmés. Depuis qu'on leur a dit que, attention, nos mamans là connaissent le secret que le maître Moiré a donné. Que si tu fais du désordre là, elle va aller prendre sa poupée, elle va casser la chose de la poupée et puis te voilà, petit papa va tomber. Bref, il y a la technique de la poupée, il y a d'autres techniques que si vous me contactez en privé, je peux bien vous donner des références. C'est-à-dire des techniques qui consistent pour vous de pouvoir s'en défaire des blocages ou de rendre. Parce que blocage veut dire des mauvais sorts, en fait. Moi, je comprends ça comme ça en tant qu'initié. D'accord? Donc, c'est ça. J'espère. 5e question, j'ai dit le titre. Je vous ai montré le livre, Science du mental, le comportement mystique, les applications de compréhension de paroles mystiques de Jésus. Numéro 6, Maxime, j'ai dit, je répondrai. Numéro 7, comment arrêter l'addiction? Bien. L'addiction, c'est pareil qu'en anglais, addiction. Wow. Ici, c'est le boulot que moi je fais. Je travaille dans une institution de fous et d'addiction. Parce que à cause des addictions, ça peut contribuer à la folie ou aux troubles mentaux. Parce que quand vous êtes tellement addicté à l'alcool ou au chanvre, ça peut vous rendre violent. Comment arrêter cela? C'est un long processus. Il y a d'abord des cours, comment on appelle ça, des formations. Des formations qu'on vous donne. Et lesquelles formations sont des formations de qu'on appelle ça? Des informations de l'éveil de votre conscience. Et d'abord, vous alerter des dangers de ce que vous consommez. C'est comme ça qu'on fait. On vous avise d'abord que voilà, ça, vous savez les dangers. Mais vous êtes addicté à cela? Oui. Mais les raisons pour lesquelles vous êtes addicté à cela, c'est parce que vous êtes exposé aux compagnies. Donc, on vous demande d'éliminer. Donc, vous passez par le phénomène d'abord d'élimination des personnes que vous fréquentez, d'élimination des milieux que vous fréquentez. Et maintenant, les éliminations psychiques, mentaux, c'est vous. Parce que l'addiction, c'est aussi ici. Ça, c'est très important. Vous qui avez l'addiction, là, qui avez posé la question sur l'addiction, c'est très, très délicat. Ah oui, moi, je vous dis. Je n'ai rien à vous cacher. Je suis votre papa ici, votre grand frère, votre petit frère ou oncle ou grand-père. J'avais une addiction très forte qui m'embêtait pendant près de 8 ans, quand j'étais encore au lycée, jusqu'à un certain âge. Je dirais même 12, 15 ans, ça m'embêtait. C'est l'addiction de la masturbation. Mais il a fallu que quand je me suis initié dans certaines techniques de la Kama Sutra Yoga, où j'ai compris l'importance. Donc, on m'a dévoilé le danger de ne pas de l'énergie sexuelle que l'on dépense. C'est pour cela que vous verrez à chaque fois, j'insiste que non, évitez de jouer n'importe comment sur les fesses des femmes, évitez de vous masturber, évitez de suivre les films porno. Ce n'est pas pour rien. Parce que là, c'est des choses que moi, personnellement, j'étais esclave, donc l'addiction. Ça m'a pris du temps pour m'en débarrasser. Alors, l'addiction, il y a des traitements. Ce n'est pas forcément des traitements des médicaments. Les médicaments vont créer ce qu'on appelle the chemical imbalance, that chemical imbalance. Vous revenez sur l'auteur du livre, j'ai dit Ernest, comment il s'appelle encore? Ernest Holmes, H-O-L-M-E-S, Ernest. Donc voilà, pour arrêter l'addiction, s'il y a tout un programme. Vous devez, si vous êtes en Europe, en France, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et l'addiction, généralement, c'est le manque de détermination aussi, voilà. Puisque nous sommes sur ça. Vous avez bien fait de poser la question. Parce que, voilà, merci, c'est ça, Ernest Holmes. Si vous avez ce manque de détermination en vous, vous êtes quelqu'un, moindre petit banc, ça vous entraîne. Vous êtes devenu comme le roseau. Ça souffle à gauche, vous partez. Ça souffle à droite, vous partez. Donc, il y a un problème. D'accord? L'Église, j'ai vu des églises qui ont même vraiment give up, qui ont carrément abandonné. Ils ont dit, non, on ne peut pas. C'est les démons. On va vous dire que ce sont les démons. Certes, c'est vrai, la considération religieuse est telle, mais ce n'est pas ça la solution pour arrêter. C'est d'abord votre pouvoir à vous, ici. Donc, recommandation d'une initiée, pour que vous puissiez arrêter ça. Initiez-vous. L'initiation, c'est quoi? Vous commencerez par les livres. Et vous verrez que la plupart de ces livres vont vous dire pas d'alcool, pas de sexe, parce qu'il y a certaines forces qui doivent se déclencher. Donc, vous êtes obligé de suivre cette discipline. Le mot, alors, c'est discipline. Deuxième mot. Premier mot, je vous ai dit sélection. Donc, vous devez faire la sélection de vos fréquentations, que ce soit physique, matérielle et psychique, mentale. Deuxièmement, je parle de discipline. Donc, la discipline va vous aider également pour pouvoir tacler ce problème d'addiction. Et il y a tout un protocole. Mais malheureusement, à cause de l'heure, regardez, bientôt on approche 1 heure. Hein? Mais je vous ai donné quelques idées. Si vous n'êtes pas satisfait, allez-y me reposer la question sous le baba, là-bas. Je prendrai tout le temps de vous donner tous ces mécanismes-là. Peut-on augmenter sa détermination par la magie? La réponse est oui. Qu'est-ce que c'est la magie? Mais ce que je vous dis là, c'est déjà la magie, non? Des initiations douces, c'est déjà la magie. Les informations que je vous donne, c'est déjà la magie. La magie veut dire quoi? C'est l'application des lois naturelles ou la mise en application des lois surnaturelles. Lesquelles lois qui régissent notre vie au quotidien? OK? Dors toujours du côté gauche, c'est une forme de magie. Mais aujourd'hui, tout simplement, les gens ne le reconnaissent plus. Le téléphone, là, aujourd'hui, à l'époque, on appelait ça magie, ça s'appelait télépathie, télépsychie. Les gens se communiquaient. Aujourd'hui, les gens n'ont plus cette capacité parce qu'ils ont la paresse maintenant. Ah, laisse-moi ça, maman. Qu'est-ce que moi, j'ai à te me concentrer, me casser la tête. Oh, donc, ouais, donne-moi ton numéro. Est-ce que tu es là, maman? Voilà. La technologie, l'électronique a endormi tous nos pouvoirs latents, en réalité, qui sont pas nous. Voyez-vous? Donc, Je peux dire que pour augmenter la détermination par la magie, oui, oui, oui. Comment peut-on? La réponse est oui. On peut le faire. C'est-à-dire qu'il faut suivre un certain programme initiatique. Il y a des programmes qui sont disponibles. J'ai mis des programmes, par exemple, sur l'initiation douce, l'initiation forte. Ces programmes, je ne fais que le répéter tous les jours. Et les séminaires que j'ai essayé de faire depuis la janvier, que nous allons relancer en février, là, et en Afrique, un peu partout, c'est toujours dans ce but-là. C'est pour pouvoir aider les gens à augmenter vos déterminations, la détermination. Parce que sans la détermination, vous n'êtes rien dans la vie. Mm-hmm. Comment ou bien? Bon, vous avez dit comment faire lorsqu'on manque de détermination. En réalité, je pourrais dire que faire lorsque vous manquez de détermination. Je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même question qui m'est posée en anglais. What can I do? What can you do if you keep failing? You keep failing. You try, but you keep failing. Well, je réponds d'abord en français. Ce que vous pouvez faire lorsque vous manquez de détermination. Aucun humain sur Terre va dire qu'il n'a pas de détermination. Commencez par d'abord les choses les plus simples avant d'aller aux choses les plus compliquées. Utilisez la loi de la pyramide ou du triangle. Donc, vous commencez d'abord à la base. Un triangle s'est conçu depuis la base d'abord. Vous n'allez pas commencer par le haut. Vous commencez depuis la base. Mais maintenant, pour nous qui sommes initiés, qui sommes très avancés, nous commençons par le haut, c'est-à-dire qu'on appelle. Voilà pourquoi vous verrez que les rites, par exemple, mystico, quelqu'un qui m'a posé, ah tiens, cette question me revient sur la question sur la lune. OK. Quelqu'un m'a posé cette question, j'ai promis à répondre ici. Donc, comment faire lorsqu'on manque de détermination? Ben, voilà, je vous ai dit qu'il faut recréer les conditions de départ sur lesquelles ou dans lesquelles vous êtes tombé. Review all these previous conditions which actually were motivating you to move forward. Because the fact that you keep failing is the fact that maybe new obstacles, new cornerstones, new events are kind of blocking your way or your determination to move forward. But when this occurs, please come back and think about the first step you started in, because you succeeded in that step. Maybe you need some sort of a past, you know what I'm saying? Some sort of a remembrance. I mean, some sort of, like the Holy Scriptures are saying, you need some figures. Those past figures may boost your determination, because you need some boosting elements. So those boosting elements will, of course, help you to move forward. You know what I'm saying? So go back, like I said in the beginning of the teaching, go back and review all those past positive events, positive things. Those are things which can help you to move forward. La même chose en français. Tout, l'une des techniques que souvent je recommande aux gens de faire, c'est pas facile d'avoir cette force et cette détermination. And then, I forgot. You have to surrender yourself. You have to change your surrendering. Your surroundings, I would say, in plural. Why? Because your surrounding, the direct and indirect environment, can influence your moving forward, your achieving your goals, achieving your objectives, and move on and to get more determined. Donc, il faut également voir apporter certaines modifications sur vos fréquentations. Je crois que j'ai atteint cet aspect sur les quatrièmes sous-thèmes. Par exemple, vous êtes dans une relation, mais on vous amène toujours votre passé. On vous amène, vous murmurez toujours ce passé. Donc, il est très important dans ce cas de prendre des décisions cruciales. Oui, la personne ou les gens vont dire, mais ce n'est pas possible. Vous avez fait 20 ans, vous avez fait 30 ans, vous avez fait 40 ans ensemble, vous avez déjà des grands-enfants, des petits-fils. Mais pourquoi vous ne pouvez pas vous supporter? Vous êtes supporté tant. Mais attention, plus on prend de l'âge, plus on est exposé à la mort facile. Il faut leur comprendre que quand on a plus de 40 ans, les cellules ne se renouvellent plus. Mais si vous êtes tout le temps sous les tensions, tout le temps sous le truc, et aucun d'entre vous ne reconnaîtra quand même que, ah, moi et pourtant, le mari est plus âgé que moi de 10 ans, il faut que je donne un peu la paix. Non, vous continuez à le tenser, vous continuez à... Non, en ce moment, sur cette question, que faire lorsqu'on manque de détermination, Ben, ce manque de détermination vient aussi des facteurs environnementaux, les facteurs des environnements, des conditions directes et indirectes. Car ces facteurs-là, direct veut dire quoi? Votre famille, vos enfants, votre épouse ou votre époux. Si ces mecs-là sont des facteurs de manque de détermination, il faut les éliminer. Ah, je suis désolé. Au risque que cela va entraîner, même si vous avez fait 50 ans de vie ensemble, prenez, demandez le divorce. Qui vous a dit que vous avez été créé pour vivre ensemble? Qui vous l'a dit? Et d'abord, vous serez choqué. Dieu n'a jamais imposé à un homme d'aller de vivre, d'avoir des alliances avec une femme. Sauf dans nos traditions, sauf spirituellement. Et voilà pourquoi ils exigeaient que vous ne pouvez pas. Le beau-père de Moïse, là, Jéthro, lui-même, c'était un grand initiateur, Jéthro. C'est pour cela qu'il a recommandé sa fille d'aller épouser, Moïse. Parce que Moïse était déjà à Akhenaton quand il était là-bas. Oh, pardon, je ne vais pas sortir hors du sujet pour ne pas aller trop long, on est déjà à une heure, bon, en tout cas. So, I guess I answer your question. I appreciate that. So, please, two steps or three steps you need to do when you have that lack of determination, the lack of moving forward and achieve your goals and objectives. So now your environment, if you live by yourself, I doubt it. If you live by yourself means you need to work on your own. You need to work on your mental power. And then I recommend you these books. We have the version in English and French as well. The Science of Mental Power, The Practice of the Science of Mental Power by Ernest Holmes. He's here in the US. You can order that book, I can guarantee you. They are located in California. They even have a religious temple or something where they teach all the principles, the applications, the metaphysical applications of the teachings of Jesus Christ and all his disciples and Paul and all that. So, where are we? Le fait de vivre dans le passé, c'est la dernière question. C'est pas la dernière. Le fait de vivre dans le passé peut-il affecter notre vie? Mais bien sûr, je l'ai déjà développé. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous allez vivre tout le temps dans le passé. Je vous ai dit que sauf si c'est un passé positif. Mais voilà pourquoi l'apôtre Paul qui a créé le christianisme, quand il s'adressait aux Hébreux, les Hébreux, il a dit aux Hébreux, vous êtes là au milieu des Romains n'importe comment, parce que vous suivez les Romains, ce qu'ils font. Les Romains, ce sont des dépravés. Ils mangent, ils boivent le vin, ils couchent les femmes, ils font des histoires de yobo et tout devant vous. Mais vous, les Hébreux, voilà pourquoi il a créé ce livre-là. Il faut bien lire ce livre, d'Hébreux-là. Mais qu'est-ce qu'il dit dans le chapitre 11? Mais à partir du verset 6-là jusqu'au verset 40, c'est là qu'il motive leurs frères. Donc, la question qui est posée sur le fait de vivre dans le passé, peut-il affecter notre vie? Oui. De deux manières. La manière positive, oui. Si vous vivez dans le passé, vous êtes là assis. Ceux qui sont chrétiens ou bien religieux ou bien les judaïstes, il n'y a pas que les chrétiens, même les juifs, là, ils appliquent ça. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi, que cette Bible-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, oh, conforme-toi à cela, et vois le succès, oh, ainsi ta vie va réussir, tu auras tout ce que tu désires, ainsi de suite. Donc, quand vous lisez ça, et même devant les murailles des tribulations à Jérusalem, mais ce sont ces versets-là qu'ils répètent, les psaumes qu'ils lisent, ils secouent la tête. Mais ça, c'est quoi? Mais c'est une forme de technique qui permet de se référer dans le passé parce qu'ils sont en train de citer le nom d'Abraham. Les musulmans, c'est la même chose, ils citent le nom de Moussa, ils citent le nom de Mohamed. Il est là, comment il s'appelle ça? Allahumma salihi, sehidini Muhammadun wa Rasulullah, ashadullah, ilah ilah Muhammadun wa Rasulullah. Ils citent toujours. C'est un nom qu'ils citent, mais c'est pour motiver et renforcer leur foi et leur détermination pour que ça affecte leur vie. Parce que vous êtes là, vous pensez à moi, c'est vrai, je connais un peu son histoire, mais pour les gens qui ne sont pas chrétiens là, mais vous pensez à votre grand-père, comment il s'appelle? Bon, moi je pense à mon grand-père Onouvier. Mon grand-père Onouvier, il a travaillé beaucoup. C'est lui qui a créé la République du Tchad. Ça, les documents sont là. C'est le premier haut fonctionnaire, premier maire de la ville de Lambaréné. Il a fait tout durant l'AEF. Il est français. À cause de lui, nous autres, là, les petits Niakouins, les petits-fils et tout, arrière-petits-fils, maintenant tout le monde bénéficie de la nationalité parce qu'il était respecté par les Français. Il est même lui qui a ouvert l'hôpital des Choisers, tout ça. Il a contribué à l'arrivée de M. Césaire dans les années combien là. Donc, ça, ce passé-là peut me motiver. Et je vous dis la vérité, c'est à cause de lui que moi j'ai été motivé à devenir l'un des maires de la ville de Gamba. Parce que je connaissais l'histoire de mon grand-père. J'ai dit, mon grand-père était le premier maire de l'Ambaréné en 1963. Alors, moi, je peux le devenir également. J'ai été motivé. Ça m'a motivé parce que j'ai pensé au passé. Donc, oui, le fait que vous viviez dans votre pensée, dans votre passé, autant pour moi, de manière positive, ça peut vous amener des changements dans votre vie présente. Mais par contre, si vous vivez dans un passé négatif, mais non, ce passé négatif va vous amener que des effets négatifs. Le passé positif va vous amener que des effets positifs parce que le passé, c'est le miroir de notre futur. Et rassurez-vous qu'en tant qu'initié, nous devons voir les choses comme le créateur de l'univers, Teta Mwanga. Teta Mwanga ne connaît pas le passé. C'est pas qu'il ne connaît pas. Il n'agit pas il connaît les terminologies passé, présent, futur. Là, ce sont les hommes. Mais pour lui, tout, c'est au présent. Quand il regarde le passé, il voit ça au présent. Et il voit le futur, c'est le présent. Donc, nous, en tant qu'initié, c'est comme ça qu'on voit les choses. Le présent, c'est dans le présent que vous devez vivre votre machin. Maintenant, s'il y a un événement qui vous a dépassé, c'est le passé qui revient immédiatement, mais le passé positif. Mais tiens, moi, mon grand-père, on oublie, quand il était là-bas en France, qu'est-ce qu'il avait dit sur ceci et qu'est-ce qu'il avait fait? Et ça vous me motive et je prends des actions. Comment mon grand-père? Ainsi de suite. Donc, maintenant, pour ceux qui sont religieux, référez-vous avec vos histoires-là. Bon, là, je donnais l'exemple des musulmans. Les chrétiens connaissent hein, le livre d'Hébreu et tout. Vous connaissez. Bon, la dernière question, comment dominer par la parole? Bon, vous pouvez dominer par la parole. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la rhétorique, il y a toute une formation. Ceci indépendamment des histoires magiques. Il y a une formation. Personnellement, j'ai été formé. J'ai suivi des cours au monsieur, I think the lady, whoever is here with me in the US, you know this man called Les Brown. Les Brown, this guy never been in college, but he was the famous, and he's still the number one most famous public speaker in America. I did attend some of his seminaries. I did attend some of his conferences. I even have some of his videos, and I'm listening. The man, I met him here. Matter of fact, he started as a journalist. Before being a journalist, he was, listen, le comment on appelle? Le pouvoir de la parole, ça se forme. Mais il faut que ça soit aussi un don pour vous. Il faut vous connaître. Vous ne pouvez pas être, par exemple, un cancer et devenir un bon speaker. Jamais. Vous allez vous embrouiller. Donc, il faut aussi voir votre étude astrologique. Ceux qui sont gémeaux comme moi, la plupart des gens le savent, la majorité des gens, même les meilleurs artistes sont des gémeaux. Je vous citerai le nom de mon ami Johnny Hallyday. Donc, on peut dominer par la parole, il y a d'abord une formation. OK? On vous donne une formation. Yeah, I know him personally, and this is the man who made me who I am. And today I'm so motivated, I'm so excited to travel around the world because of him. He told me, man, you speak more than 2-3 languages. What's wrong with you? You speak French, you speak English, frankly, you speak Spanish. So why can't you go and travel around the world? And plus, you have a degree in theology, you got a degree in different matters, in psychology. So why don't you take all these opportunities? That's what he told me. And plus, you've been a former Jehovah's Witness. You used to speak in front of the crowd, thousands of people in the stadium. So what's wrong, man? Just wake up, go. Voilà. Quelqu'un qui m'a motivé, qui ne me connaît même pas. C'est un Américain noir, il est né ici, là. Ce cours d'un séminaire comme ça, il me regarde seulement. Il me dit, regarde avec quelle aisance tu parles aux gens, tu ne les connais même pas. Et tout le monde m'écoutait. Voilà. Donc, c'est aussi le don. Il faut avoir ce don, certes, il faut le reconnaître. Et puis, il faut développer son don. Il y a des gens qui ont des dons, mais qui s'étouffent. Moi, quand je suis allé au lycée technique, là, moi, mon rêve, oh non, papa me disait, toi, tu vas devenir gendarme. Je force, non, moi, je vais devenir maintenant comptable. Je suis allé faire G2, mais après, là-haut, calboigner. Non, mais voilà, maintenant, faire autre chose. À travailler à machin, à Shell, à faire la production. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut suivre votre rêve. Et il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de suivre votre don. Parce que Dieu nous a créés, chacun de nous a un don. Everyone got a gift. You have a calling. A gift is the language of the religious folks. But scientifically, we call it, we got a call. So you got to follow your call. If you think you can become a teacher, follow that dream. If you think you can become a doctor, follow that dream. If you think you can be a public speaker, please follow it. You have to achieve your goal. You see what I'm saying? So it's very important. Voilà, nous avons fait le tour de toutes nos questions. Pardonnez, j'ai débordé de 15 minutes. Ah, prochainement, je vais faire l'effort. Donc là, aujourd'hui, on a atteint l'objectif de parler pendant 1h20. Là, il est 1h15. Donc, le temps de mettre ma petite musique de conclusion. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous remercie tous donc de m'avoir assisté aujourd'hui et que désormais, nous ferons des efforts, s'il vous plaît, de pouvoir parler moins et surtout de faire en sorte que nos amis là-bas ne se peignent pas trop. Mais quand même, ça va. Avec pour 1h15 ou 1h20, là, ça va aller. Donc, je veux pouvoir conclure par la musique de Chenou et que Teta Mwanga vous bénisse. Pardonnez-moi. Where is it? Battery 71%. BlackBerry BBA1005 connected. Thank you. Okay. Where was I? Okay. Bien, merci encore pour votre temps et nous allons nous retrouver d'ici là. Portez-vous bien, que Teta Mwanga vous bénisse, passez un très bon week-end et si Dieu le voudra, peut-être demain je donnerai un autre enseignement, je ne sais pas, mais ça dépendra de vos questions. I appreciate that, Patricia, appreciate you have it. Take care of you. I'm not going to be able to do that. Effectivement, c'était Tanzambe, Tetamwenga, c'est lui qui a tout créé, c'est lui l'auteur de la vie. Voilà pourquoi nous, fils d'Afrique, fils du Gabon, du Congo, du Malawi, du Sénégal ou encore du Burkina Faso, nous ne croyons pas trop à la confrérie, nous ne croyons pas trop au système ésotérique. Nous croyons directement à la lumière divine, sous couvert de nos ancêtres. Nous sommes les élus de notre peuple. Nous sommes les élus de nos ancêtres. Teta Mwanga s'adresse directement à nous. On n'a pas besoin de dire Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli sayyidina wa Muhammadur Rasulullah. On n'a pas besoin de dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas être guéri. Non, nous n'avons pas besoin de le dire. Parce que nous sommes une composante de Teta Mwanga Dibanga Panga. Nous sommes l'être exprimé. Voilà, l'existentialité même de Dieu est exprimée en nous. Nous sommes son expansion, nous sommes son individualité. En réalité, l'homme que nous sommes, particule dispersée, étoile dispersée ça et là, car créée à son image, nous sommes lui, et il est en nous. Oui, de la réponse à la question que Moussa voit, celui que les chrétiens appellent Moussa, Moïse, qu'on appelait Moshe, qu'on appelle chez nos frères musulmans, Moussa, il posa la question à l'être suprême, Teta Mwanga, qui lui parle au travers de le bûcher qui brûle. Qui es-tu? Qu'est-ce que j'irai dire à mes parents? Dis-lui que je suis ce que je suis. Je me révélerai être ce que je me révélerai être. Je suis ce que je suis. Vous ne pouvez être à ce stade que si et seulement si vous êtes initié, que si et seulement si vous avez réussi votre rencontre interne avec la partie de Teta Mwanga qu'il a mise en vous autant pour moi. Et cette partie qu'il a mise en vous, c'est quoi? C'est son image, sa ressemblance. Ce n'est pas Mourion ou Vieki l'invente. C'est écrit comme ça dans les livres saints. C'est écrit comme ça. Que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il le créa. Il fit de lui finalement sa ressemblance. Et il lui donna tout au pouvoir et toute autorité. Et il créa toutes les plantes, tous les arbres pour la guérison des nations et pour son élévation vers lui. Que Teta Mwanga vous bénisse. Bon week-end. Merci encore. Merci. Merci beaucoup.